H1000 présente. Une carte postale sonore, d'ici, de là-bas, d'ailleurs. Pour le plaisir de vos oreilles, bonne écoute. Je me trouve où, Florence, aujourd'hui? Où sommes-nous? À l'asinerie d'Amanaou. Asinerie d'Amanaou. C'est quoi une asinerie? C'est un lieu où il y a des ânes. On élève des ânes ici. Et depuis quand tu fais ça? Depuis 2003. D'accord. Ça fait longtemps. Il y a uniquement des ânes? Il y a aussi une vache, des moutons, une chèvre, des cochons, des chiens, des chats, des paons, des cochons d'Inde. Où se trouve-t-on géographiquement? Ici, on est au nord-ouest de Toulouse. Til. Bienvenue à Til, dans l'asinerie donc de Florence, qui accueille des groupes à la recherche. À la recherche de quoi? Ah, à la recherche d'être plus proche de la nature, une reconnexion avec les choses naturelles. On peut faire un petit tour de ta propriété? Absolument. Allons-y. Allons-y. Ah, super. Hein. Donc il y a pas mal d'arbres. Ouais. C'est assez ombragé. Des chênes, essentiellement des chênes ici. Du chêne, on peut trouver des cèpes au pied du chêne, à la bonne période. Nous sommes accompagnés par deux chiens. Par Kinaï. Kinaï. Donc c'est un peu le paradis des animaux ici? On peut dire ça comme ça, oui, c'est le paradis des animaux, le paradis des enfants, le paradis des gens qui aiment la nature. Et la tranquillité, le calme, comme tu peux entendre. Ouais, on va s'arrêter un peu, oui. Bienvenue dans ce petit coin de verdure, non loin de Toulouse, toujours dans la Haute-Garonne. Une petite brise légère, le chien au pied de vos oreilles. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce lieu? Ah, une passion tout d'abord pour les animaux depuis que je suis toute petite. Ensuite, je me suis orientée dans l'animation auprès d'enfants et j'ai organisé pas mal de séjours, enfants, montagne, mer, campagne. Et un jour, je me suis dit que je créerais moi aussi un lieu comme ça, une ferme pédagogique, un lieu où je pourrais accueillir moi aussi des enfants pour leur faire partager tous ces moments de bonheur avec les animaux. Tu as été donc, dans ton jeune âge, très influencé par les animaux? Oui. Et quelles en sont les raisons de cette influence? Je ne sais pas. Un amour pour les animaux en règle générale. Les chiens au départ, après les chats et toutes sortes d'animaux. J'aime ça. Ça me passionne, ça me calme, ça m'apaise, ça me ressource. Et es-tu sensible justement à la condition de vie des animaux, au bien-être animal? En ce moment, il y a pas mal de débats autour de ça. C'est vrai, oui, je suis très sensible à ça. D'ailleurs, tu peux voir, les animaux sont quasi tous en liberté ou en semi-liberté ici. Là, on va aller voir Herta qui fait sa sieste. Tout est ouvert, elle peut aller où elle veut. Elle n'a aucune barrière, elle passe partout. C'est un cochon, Herta. On va peut-être l'entendre ronfler. Ah oui, donc nous rentrons. Voilà, Herta. cochon quasiment apprivoisé. Hein. Ah oui, apprivoisé. Il paraît que c'est comme les chats, en fait. Hein. C'est comme les chiens. Enfin, comme les chiens, plutôt. Herta. Herta, Herta. Herta. Herta. Herta. Et alors, Fifi? Comment réagissent justement les gens qui viennent visiter ces lieux? Souvent, ils sont impressionnés par Herta qui les attend à l'accueil, elle est couchée devant la porte, généralement. Et alors la première impression, un cochon à liberté, c'est impressionnant. Les enfants arrivent, on peut la toucher, comment elle s'appelle? Ouais. Et on peut la caresser, On peut la caresser. Alors, sa particularité, c'est qu'elle est aveugle, elle est non-voyante. D'accord. Donc on la prévient toujours avant de la caresser. Ah, pardon. Là, veut que tu lui caresses le ventre. Regarde. Ah ouais. Eh ouais. Là, on est dans son intimité, on est dans sa chambre. Hein. D'accord, oui, on va. On va tout doucement quand même, sans retourner, on lui laisse faire la sieste. Voilà. C'est un des plus vieux animaux de l'asinerie. Herta a 11 ans. Alors, les gens peuvent venir en famille parce que, tu vois, nous avons des yourtes. Donc, ils peuvent venir dormir ici en yourte ou en roulotte. Une nuit ou plusieurs nuits, comme ils veulent. Et le matin, avec les enfants, on va donner à manger aux animaux. Ensuite, ils peuvent louer des ânes pour faire des balades à dos d'âne ou faire des promenades en charrette en famille. D'accord. Combien disposes-tu de terrain ? 9 hectares. Waouh. Oh, ça paraît grand, mais c'est pas énorme, vu qu'il y a 8 ânes, 2 chevaux, une vache, des moutons. Donc on est obligé d'avoir un complément de foin. Voilà, j'ai fait rentrer le foin hier, j'ai acheté ça aux paysans du coin. Vous avez faim, les gars ? Oh putain, c'est Georges qui m'a planté la fourche. Attention, est-ce que je vais faire un peu de pousse? Oui, ça, il va y avoir de la dispute. Hein. Ah ouais. Je reviens. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez les gens qui viennent ici? Et qu'est-ce que tu apprécies le moins aussi? Alors, ce que j'apprécie chez les gens qui viennent ici, c'est qu'en général, ils ont choisi de venir sur un lieu comme ça, proche de la nature. Et ce que j'apprécie, c'est qu'ils sont souvent émerveillés par le lieu, ça leur plaît, par les animaux, par la condition animale aussi, dont on parlait tout à l'heure. C'est quelque chose que j'apprécie, qu'ils soient reconnaissants de voir qu'on ne maltraite pas les animaux et qu'ils se sentent bien chez moi. Quoi. Le moins, ça arrive très rarement, des gens qui ne seraient pas respectueux. Bon, c'est vraiment rare, c'est très rare ici. Alors là, on arrive dans un endroit. Alors moi, depuis que je fais le tour avec toi, là, c'est peut-être l'endroit qui me plaît le plus, parce que ça me rappelle un peu les petites cabanes dans les Pyrénées, vu que je fais beaucoup de montagnes. Et ici, donc, nous sommes carrément dans un espace très ombragé, au milieu des chênes, et une roulotte. Oh, extraordinaire! Je peux? Oui, vas-y. Tu peux ouvrir et entrer. Ah ouais! Oh, super! Intérieur de la roulotte. Donc tout en bois à l'intérieur. Ouais, bardage en pain, hein, en planche de pain. Un lit, deux lits en fait, un lit superposé. Exact, ça fait cabane pour les enfants, tu vois, avec les rideaux. Ouais, ils s'éclatent quoi. Ah ouais. Ils s'éclatent. Tu penses que les gens recherchent de plus en plus cette forme de tourisme ou de... Enfin, je sais pas si on peut appeler ça du tourisme. C'est une forme de... Oui, comme je disais, c'est une forme de retour à des choses simples, oui. Ah, puis les enfants, ils adorent quand ils rentrent dans cette roulotte. Waouh, la cabane. La cabane. Et puis c'est très romantique pour un couple aussi. On peut venir à deux aussi. Pas obligé de venir que en famille. Voilà. Donc. Se promener, être dans une forme d'errance, dans un lieu au milieu des arbres et des animaux, comme le dit Florence, c'est apaisant. De toute façon, en général, la nature est apaisante. Gatine ? Gatsby ? Viens Gatsby, viens. Au cœur de ce projet, quoi. Entre autres, donc, il y a les ânes, les animaux, les roulottes et les yourtes. Tout à fait. Alors, comment ça t'est venu, cette idée de yourtes ? Alors, au début, on organisait des séjours pour les centres de loisirs. Les enfants venaient dormir une nuit ou plusieurs nuits sur l'asinerie et dormaient sous tente. Et puis après, on a construit des tipis, donc ils dormaient en tipi. Et puis les tipis prenaient un petit peu l'eau quand il y avait des gros orages. Donc après, on a eu l'occasion d'acheter deux yourtes. Et voilà, c'est parti comme ça. Ah, en hiver, c'est jouable de pouvoir y dormir ici ? Si on rajoute un poêle à bois, oui. Ah ouais ? On peut le rajouter. Il est prévu. En fait, l'emplacement est prévu là avec un tuyau là-haut. Il y a beaucoup d'espace. Isolé, avec du feutre. Isolé. C'est solide, j'étais jamais rentré dans une yourte. Donc je rappelle comme ça que les yourtes, c'est quand même d'origine mongole. Celles-là, elles viennent de Mongolie. Hein. Alors elles étaient à la base à l'extérieur tout en bâche, en tissu. Ouais. Mais ça vieillit très mal dans nos régions à cause il y a beaucoup trop d'humidité, différentes températures, surtout l'humidité. Donc on les a construites en bois. L'extérieur est en bois et le toit est en bâche de camion PVC. On a gardé quand même le principe d'ouverture centrale, là, la coupole. Ah, tu peux voir les étoiles. Tu vois les étoiles le soir, c'est ça. Bon, donc allez tous chez Florence Lazinerie. Damanaou. Damanaou. À Til, qu'est-ce que ça veut dire, Damanaou ? C'est le lieu-dit. C'est le lieu-dit, tout simplement. Pas une... Ouais. Non. Une explication particulière. H1000, c'est l'été, il fait chaud. Et on se promène. Ici, nous sommes sur un vaste parc ombragé. Alors, il a l'air de... Le cheval vient immédiatement se faire caresser. C'est sûr qu'ils ont l'air habitués d'avoir du monde. Hein. Il y a un deuxième cheval. Un blanc. Un noir et blanc. La brise. L'espace. La forêt qui chante. Thank you. Quels sont les sons que tu aimes le plus ici? Ah, au printemps, le son du coucou. J'adore. Le son du coucou, ouais. Et ça, ce que tu entends là. Le bruit du vent dans les arbres, dans les branches, dans les feuilles. Y a-t-il une raison particulière? Non, ça me plaît, ça me pose, ça me montre que voilà, que les arbres sont vivants, qu'il y a de la vie autour de moi. J'aime bien. Je viens souvent ici toute seule, m'asseoir, profiter. Ouais, d'habitude les gens auraient dit des oiseaux. Toi t'as dit le vent. Ah ouais. J'adore, là, parce qu'à ce moment-là, le vent est passé au niveau des feuilles et j'adore ce son-là. Uh-huh. Ouais. Les oiseaux aussi, bien sûr que j'aime ça. Le coucou, c'est un oiseau. Hein. Et quels seraient alors, inversement, les sons que tu apprécierais le moins? Ah, le son des avions, des voitures, des camions, de la vie humaine, les bruits, les tronçonneuses. Tu te sens décalé parfois? Lorsque tu retournes en ville ou lorsque... Je suis très fatiguée de passer une journée en ville, dans les rues. C'est très fatigant, c'est épuisant. Ce bruit permanent, perpétuel de voitures, ces odeurs de pollution. Non, ouais. C'est pas pour moi, c'est plus pour moi. Ah, j'aperçois un âne. Qu'est-ce que cela t'apporte de plus? D'être ici? D'être ici, que de vivre près des animaux, mais des gens aussi, en fait. Oui, des gens. Mais j'adore l'humain, attention. J'adore les relations humaines. J'adore accueillir des groupes, que ce soit d'enfants, des familles. Hein, et j'adore les échanges, les relations. Moi, ça m'apporte plein de... Je sais pas comment tu peux exprimer ça. Plein d'amour, plein de sérénité, plein de plénitude. C'est génial. Tu te sens vivant. Le principe du woofing, ce sont des gens qui ont envie de connaître un peu la vie d'agriculteur, donc de savoir comment on fait pour élever des animaux ou faire du maraîchage ou autre. Et c'est un principe d'échange et de partage. Ils viennent chez vous, vous les hébergez, vous les nourrissez. En contrepartie, ils vous aident 4 heures par jour sur vos tâches quotidiennes. Et ils vous apprennent beaucoup de choses aussi. Ils viennent d'où? Alors, d'un peu partout dans le monde. Là, actuellement, j'ai un qui vient de Vienne, d'Autriche. Uh-huh. C'est génial. Plein d'échanges, j'apprends plein de choses aussi. Ils en apprennent, mais j'en apprends aussi. J'ai rencontré vraiment, vraiment de belles personnes, quoi. Ouais, de belles personnes. Tout simplement. Tout simplement des belles personnes. Ouais. Bon, mais alors, on va boire avec ces belles personnes. Je vais chercher la bière qui est... Comme on est toujours au bord de la piscine, on a stocké la bière au frigo de la piscine. Bien sûr. Allez. Este tiene celos de sí, Belfort. va où exactement ? Eh bien là, on cherche les ânes. Au milieu du bois, quoi. Qui sont cachés, je ne sais où. J'en ai aperçu un sur la gauche. Tu t'ennuies jamais ici, en hiver, quand il y a moins d'activité ? Ça peut m'arriver à l'automne, en hiver, d'avoir des moments où je m'ennuie, mais ça ne dure pas longtemps. Tu sais, il suffit d'aller faire un tour dehors, tu vas te balader, tu marches là dans les bois. Hein. Tu oublies ton ennui. On se rapproche des ânes. Ah, mais il y a une vache, ouais, aussi. Pirouette. Pirouette. Oui. Quel âge a-t-elle, Pirouette ? Ah, elle est pas toute jeune, elle a 17 ans, Pirouette. Oh, va si on dîne. Est-ce que tu sens que chacun de tes animaux ont un caractère ? Ah oui. Voire une sensibilité, ça aussi c'est un vaste débat. Si. Oui. Ils ont plein de points similaires, hein, mais ils ont chacun, oui, leur caractère. Tu vois, Ondine, elle vient là directement nous voir pour qu'on lui enlève les tons. Ouais. Ouais. Une autre période, quand elle n'a pas de tons qui l'embête, elle ne vient pas forcément comme ça vers l'homme. Ouais, elle vient nous chercher vraiment pour qu'on lui sorte ces tons qui la piquent là. D'accord. Les vampires de la forêt. Allez, on va voir Pirouette. Ouais. Alors, comment on s'approche d'une vache ? Alors, il faut laisser faire. Elle a envie ou elle n'a pas envie, tu vois ? Ouais, elle n'a pas envie, elle s'en va. Elle s'en va. C'est l'heure de manger. Ne crains-tu pas une mercantilisation de l'écologie, une bobotisation d'une forme touristique qui se voudrait verte, en accord à la nature, parce que c'est à la mode, et finalement, peut-être que... Enfin, je sais pas, quoi. Alors, j'ai pas peur de ça, ça existe, c'est sûr, mais bon, après, moi, ça me change pas ma façon de voir et de penser, quoi, tu vois. Je me sens pas bobo, du tout. Moi, je fais vraiment... Non, mais pas toi, mais les gens qui viennent. Est-ce que tu essayes de faire passer un message, justement, aux gens qui viennent ? Oui, de manière soft, il m'arrive, oui, de faire passer des messages. Par exemple, quand on me dit, je sais pas, ah, vous mangez vos moutons, mais les pauvres, ils sont si mignons. Vous êtes peut-être végétarien. Et comme on répond, ah non, pas du tout. Mais moi, la viande, je ne l'ai pas connue avant de la manger. Ben voilà, bon, bref, ça, tu as une petite leçon là-dessus à donner. C'est important d'avoir élevé ta bête, savoir comment elle a été élevée, ce qu'elle a mangé, et être capable de la tuer et de la manger. Ouais. Ça, pour moi, c'est la base. Et ensuite, est-ce que tu as d'autres messages comme ça, plus général, sur le respect de la nature ? Être bobo pour avoir des fringues sympas, qui font babos à la mode, machin. Non, moi je trouve que c'est plus intéressant de s'impliquer dans des actions réelles, d'écologie ou autre. Donc de respect de l'environnement. De respect de l'environnement, bien sûr, avant tout, quoi. Que beaucoup de bobos quand même roulent en 4x4. Hein. Ouais, mais ils sont habillés upstairs. C'est ça. Nous avons un site internet. Tu veux mon site internet ? Ouais. azinerimanaou.jimdo.com. Ouh là là là là. Et nous avons aussi un Facebook. Vous tapez Azinerie d'Amanaou et vous tomberez à Til et vous tomberez sur notre page Facebook. D'Amanaou, comment ça s'écrit? D'EN. Plus loin, MANAOU. Jimdo, JIMDO.com. Ok, donc si vous voulez passer non loin de Toulouse, une petite session de calme et de nature. Et les gens te donnent la main à la pâte pour nourrir les animaux? Alors le matin, ouais, avec les les gens qui dorment ici, avec les enfants, on va donner à manger aux animaux et ouais, ils participent aux soins des animaux. Et après, on peut venir sur réservation le matin. Enfin, il faut appeler, bien sûr, pour 10 heures et donner à manger aux animaux avec nous. D'accord. Voilà. Donc on vous fait partager ce petit moment de bonheur. Merci Patrick. Ah non, merci à toi. Et merci à la compagnie de ces animaux, Kina et compagnie. Ciao, ciao, ciao. C'est bien de voir des animaux tranquilles. Non pas méprisés ou maltraités par quel système économique que ce soit. Programme H1000 sur votre radio.